بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc aujourd'hui, c'est le quatrième cours sur les règles du mariage dans le livre de Cheikh Al-Fawzan Al-Mulakhas Al-Fiqhi et Kitab Al-Nikah, le chapitre sur le mariage. Donc on est arrivé donc maintenant à un des passages dans le livre ou des points dans le livre qui sont mentionnés par rapport au mariage, c'est باب في أحكام الخطبة في أحكام الخطبة et الخطبة c'est la demande en mariage. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout chez les francophones en France, j'ai remarqué, ils disent المقابلة. مقابلة ça veut dire entrevue, une entrevue, ok. Tandis que le terme islamique dans la charia c'est le terme خطبة et non pas مقابلة, d'accord. Donc c'est quelque chose qui s'est propagé chez les francophones. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais j'ai entendu ça souvent. On va faire une muqabala. Bon, c'est ça. Le terme dans la charia, c'est khitba. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « قال عليه الصلاة والسلام, إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et ce hadith il est rapporté selon Abi Daoud, et il y a d'autres narrations également de ce hadith là dans d'autres livres, qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage ou veut demander une femme en mariage et qu'il est capable de voir d'elle quelque chose qui va l'inciter à vouloir la marier, alors qu'il le fasse. C'est-à-dire, s'il est capable de voir de cette femme, sans qu'elle le sache, quelque chose qui va l'attirer, hein, et qui va l'amener à vouloir se marier avec elle, alors qu'il le fasse. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Unzur ilayha fa innahu ahra » أن يؤدم بينكما فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها. Donc le شيخ il ramène une autre narration à ce sujet là qui dit انظر إليها. Parce que, il dit, va la voir. Parce qu'il y a un hadith comme ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, il a dit, j'ai demandé en mariage une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu l'as vue? Il a dit non. Il a dit, va la voir. Donc, ici, il dit, parce que, dans cette narration, il dit, va la voir, parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que votre mariage va pouvoir durer. Va pouvoir durer plus longtemps. Dans le sens que si la personne elle voit celle avec qui elle va se marier avant, eh bien il va savoir si elle lui plaît ou non. Supposons que la personne il voit pas sa prétendante excepté le jour même du mariage et qu'il se marie avec elle et qu'elle ne lui plaît pas vraiment, alors ça risque par la suite d'être un mariage qui va être voué à l'échec. Pourquoi? Parce que la personne s'est mariée avec l'autre à contre-cœur. Puis, elle va se forcer peut-être à rentrer dans ce mariage-là. Puis, après quelque temps, elle ne pourra plus supporter. Et puis, elle va vouloir sortir. Elle va vouloir se libérer de ce mariage. Donc, il y a une permission dans l'islam pour que la personne qui veut épouser une femme voit sa prétendante et qu'il regarde ou qu'il regarde de cette prétendante ce qui est apparent de façon générale, ce qui est apparent d'elle de façon générale. Et ça c'est bien entendu sans qu'elle le sache, sans qu'elle le sache et sans être isolée tout seul avec elle. Et le cheikh il dit, parce que c'est mentionné dans certains dans certaines narrations, on va la mentionner de toute façon, donc je vais laisser ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là. Le cheikh il dit وقال الفقهاء ويباح لمن أراد خطبة امرأة غلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة وإن أمن من الفتنة انتهى. Donc il dit les fuqaha, c'est-à-dire les savants de fiqh, ont dit qu'il est permis de regarder à une femme que tu as envie de demander en mariage si, yani, il dit ghalaba ala dhannihi, c'est-à-dire tu penses que, yani, il y a une grande probabilité que tu serais accepté si tu l'as demandé en mariage. Hein? C'est pas n'importe quelle femme. Tu sais que par exemple certaines femmes, si tu les demandais en mariage, yani, on va jamais t'accepter. Donc tu vas pas dire ah, oh, ben elle, je la regarde mais c'est parce que je veux me marier avec elle ou je veux la demander en mariage, alors que tu sais très bien que tu vas jamais pouvoir te marier avec cette femme là. Hein? Donc il faut pas non plus prendre ça comme une excuse pour justifier de regarder n'importe quelle femme. Hein? Comme par exemple tu dis ah, oh, mais je la regarde mais c'est juste parce que je veux la demander en mariage. Non. Hein? Et le cheikh il dit donc tu regardes celle ghalaba ala dhanni, c'est-à-dire tu as une grande, c'est-à-dire tu supposes que on t'accepterait si tu irais la demander en mariage, et tu regardes ce qui est apparent de façon générale, c'est-à-dire tu regardes ce qui est apparent de cette femme-là de façon générale sans toutefois être isolé avec elle, et en sachant que tu es protégé de tomber dans une tentation. Hein, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Ça, c'est la fin de la citation. Après, il cite le hadith dont je vous parlais tout à l'heure, le hadith de Jabir, radiyallahu anhu. Il dit « Kuntu atakhabba laha, hatta ra'aytu minha ba'da ma da'ani ila nikahiha. » Donc, il dit, ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Dawood. Il dit, Jabir radiallahu anhu, il dit, je me cachais pour l'observer, jusqu'à ce que je vois d'elle certaines choses qui m'ont incité à vouloir la marier. Et après, il la demandait en mariage. Hein? Donc, ça veut dire qu'il se cachait derrière un arbre ou derrière un mur ou quelque part, puis il la regardait d'une distance, jusqu'à ce qu'il voit d'elle quelque chose qui lui plaît et qui l'incite à vouloir se marier avec elle, puis après, il est allé la demander en mariage. Ben, ça peut être le comportement, mais ça peut être aussi quelques caractéristiques de physique de la femme, tu vois. Tu vas savoir à peu près sa taille, tu vas savoir à peu près sa forme, est-ce qu'elle est mince, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, hein. Il y en a des choses comme ça. Pardon? Ouais, à distance, tu ne peux pas faire ça. Si tu es à distance, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux envoyer une de tes sœurs ou ta mère ou ta tante pour aller voir la fille. Puis tu décris à ta tante ou à ta sœur ou à ta fille le type de femme que tu aimes. Hein? Ou qu'est-ce que tu aimes comme caractéristique chez une femme. Et là, tu lui dis d'aller la voir. Hein? Puis les femmes, entre elles, elles savent quelle femme est belle, quelle femme est pas belle, quelle femme est jolie, quelle femme est pas jolie, quelle femme a des belles formes, quelle femme n'a pas des belles formes. Les femmes, elles se connaissent entre elles. Et donc, elles vont pouvoir vraiment analyser la fille comme il faut. Et puis après, elles vont te faire le rapport. Hein? Elles vont te faire le rapport. Bon. Le cheikh dit فدل ذلك على انه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمه بذلك وانه لا ينظر منها الا ما جرت العاده بظهوره من جسمها. Donc il dit que il va donc la regarder sans rester seul avec elle, sans être isolé, et sans qu'elle sache qu'elle est en train d'être observée, et il ne va pas regarder d'elle excepté ce qui est de façon habituelle apparent de son corps. Il dit وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إذا إلى تزوجها. C'est-à-dire que ça, cette permission là, c'est spécifique pour la personne dont tu as une grande probabilité ou possibilité que elle va accepter de te marier. Hein? Donc il faut être, comme je disais, il faut être réaliste là-dedans. Et il dit فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ النَّظَرْ إِلَيْهَا بَعَثَ إِلَيْهَا إِمْرَأَةً ثِقَةً تَتَأَمَّلُهَا ثُمَّ تَصِفُهَا لَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ أُمُّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدٍ. Donc c'est ça, ça répond à ta question ici. Le cheikh il dit, et si tu n'as pas la capacité d'aller la voir cette fille et de la regarder toi-même, eh bien tu envoies une femme qui est une femme de confiance, et il va aller, il va l'observer comme il faut, et puis ensuite elle va te la décrire, hein, elle va te la décrire. Et il dit ça, c'est tel que cela a été rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit il a envoyé Umm Sulaym, ou bien plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait envoyé Umm Sulaym pour voir une femme pour le mariage. Et ça c'est rapporté par Ahmad, l'imam Ahmad. Il dit وَمَنْ اِسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْتُوبَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ. Donc le cheikh il dit, si par exemple on t'a demandé conseil par rapport à un prétendant, hein, ou bien une prétendante, il est obligatoire pour toi de mentionner les défauts ou les côtés négatifs que tu connais à propos de cette personne, et ça ne sera pas de la médisance. Ce ne sera pas de la médisance dans ce cas-là, parce que c'est obligatoire d'avertir ton frère de ce que tu sais de mal de cette personne, si tu sais quelques défauts. D'accord ? Ça rentre dans la nasiha. Ça rentre dans la nasiha. Le cheikh il dit وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجُكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ فَأَبَاحَ التَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ وهو أن يقول مثلا إني في مثلك لا راغب أو لا تفوتيني بنفسك فدل ذلك على تحريم التصريح كقوله أريد أن أتزوجك لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. Donc le cheikh il dit ici qu'il est interdit, lorsqu'une femme est dans sa idda, sa période de vidité, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont traduit dans la traduction. En fait c'est quoi la idda? C'est que lorsque quelqu'un prononce le divorce de sa femme, il a une période de 3 mois dans laquelle il a le droit de la reprendre. Hein? Et si la femme est dans cette période de vidité, hein, puis qu'elle est en train d'attendre la fin de son mariage, quelqu'un n'a pas le droit de venir la demander en mariage pendant cette période-là, parce qu'elle est encore mariée. Même si c'est le troisième divorce. Supposons que c'est le troisième divorce, ou bien supposons que, parce qu'après le troisième divorce, son mari n'a pas le droit de la reprendre, hein, c'est talaq un ba'il, ou bien son mari est décédé, hein, donc elle est dans sa période de idda. Malgré ça, tu ne peux pas aller puis la demander explicitement en mariage à ce moment-là, mais tu as le droit de faire allusion au mariage, hein. Tu as le droit de faire allusion au mariage en disant « Je suis à la recherche d'une épouse. » Mais tu ne vas pas dire « Je veux te marier, toi. » Tu ne peux pas le dire explicitement. Ouais, de façon comme si de faire allusion Au mariage, ça c'est permis. Mais de la demander en mariage explicitement, ça c'est pas permis. Il dit parce que si tu la demandes en mariage directement et explicitement, elle peut-être qu'à cause de son désir de vouloir se remarier, elle va dire que sa idda est finie alors qu'elle n'est pas encore terminée. Et donc, ça risque de l'inciter à vouloir trop se dépêcher. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il dit à ce sujet-là, يعني حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى يعني إلى إلى المرأة فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة للإجابة والكذب في انقضاء عدتها وإن دي أنسويت وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث لأنه يباح له نكاحها في عدتها. Donc ici le cheikh il mentionne un point, il dit que si par exemple quelqu'un il a divorcé sa femme mais d'un divorce qui est complet hein, qui c'est une séparation complète mais sans que ce soit par trois divorces, comme par exemple lorsqu'il a divorcé sa femme en échange d'une somme d'argent qu'il lui a donnée, hein. Ou bien un divorce avec compensation ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il n'y aura pas trois divorces pour que ce soit fini, trois fois la prononciation du divorce pour que ce soit terminé complètement. Donc dans ce cas-là, la personne qui a lui-même prononcé ce divorce-là, il a le droit de la demander en mariage et de la redemander en mariage pendant sa idda parce que c'est lui-même qui l'a prononcé. Et celui qui a prononcé le divorce à sa femme par exemple et qu'il a le droit de la reprendre, ben il peut la reprendre n'importe quand pendant la idda. Il a le droit de la reprendre n'importe quand pendant la idda tant que c'est pas le troisième divorce. Hein. Si c'est le premier ou le deuxième, il a le droit de la reprendre quand il veut. Hein, à l'intérieur des trois mois. Donc le cheikh dit, يقول الشيخ تقي الدين يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة. OK. Donc ça on l'a expliqué. Le cheikh ensuite il dit وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. Ça c'est un point important. C'est que si par exemple un musulman il a demandé une femme en mariage et qu'on l'a acceptée. Hein, on s'est mis d'accord sur le mahar. Toi, tu n'as pas le droit d'aller par la suite demander cette fille-là en mariage toi aussi, puis lui offrir un mahar plus important pour la voler à cette personne. Le mahar, c'est la somme d'argent que tu donnes en cadeau à la femme au moment du mariage. D'accord? Donc le cheikh il explique, il dit donc al khitba ala khitbati akhi. Il dit donc celui qui a demandé une femme en mariage, man khataba imra'atan wa ujiba ila dhalik, on lui a répondu, on lui a dit oui. Quelqu'un est allé voir une famille, il a dit je veux épouser votre fille. On lui a dit d'accord, c'est correct. Combien tu vas donner comme mahar? Il dit je vais vous donner tel montant. Il a dit OK d'accord, on est d'accord. Donc on accepte et puis le mariage sera telle date. Là toi tu sais que ton frère il est allé la demander en mariage puis qu'on l'a accepté puis qu'ils lui ont déjà demandé le mahar, ils se sont mis d'accord sur le mahar, puis toi tu viens ensuite puis tu dis hein, je veux demander cette fille là en mariage moi aussi, tu vas frapper à la porte, tu dis je veux épouser votre fille, hein. Ils m'ont dit non, ça y est, on l'a déjà marié à quelqu'un d'autre. Et lui, il vient et dit oui, mais moi, je vous offre un meilleur mahar. Hein? Il vous donne tant. Moi, je vous offre plus. Hein? Ça, c'est al-khitba ala khitbati akhi. Ça, c'est interdit de faire ça. Il dit, حرم على غيره خدمتها حتى يأذن بذلك أو يرد. C'est pas permis d'aller la demander en mariage cette fille-là jusqu'à ce temps que, à moins que la personne, le premier, donne la permission ou bien refuse le mariage. Il dit bon, je la marie plus finalement. Alors tu peux y aller. Oui. Non, le mahr c'est pas obligé d'être de l'argent. Le mahr ça peut être quelque chose qui est abstrait mais qui a une valeur. Comme par exemple, tu dis, je vais t'enseigner telle chose. Hein? Comme par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahabi qui était pauvre et il a marié une femme en échange de lui enseigner comme mahar des versets du Coran. D'accord? Ou des sourates dans le Coran. Donc, ça peut être le fait d'enseigner quelque chose. C'est pas obligé d'être quelque chose de l'argent. Non. Non, c'est pas la même chose. Le mahar, il faut que ça soit quelque chose d'une valeur qui, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose comme de la nourriture, tu manges et puis c'est fini. Il faut que ce soit quelque chose d'une valeur qui va rester, que la femme peut garder avec elle. Non. Bon, une fois qu'elle l'a, elle peut faire ce qu'elle veut avec, mais tu vois, tu lui donnes de l'argent. Tu vas lui donner. Quand je dis le cadeau de mariage, c'est pas un cadeau que tu donnes au moment de la khitba. Tu viens, quand tu vas aller demander la fille en mariage, tu lui amènes un cadeau. Ça fait pas partie du mahar. Le mahar, c'est qu'est-ce que tu donnes au moment du contrat de mariage et que vous vous êtes mis d'accord, la fille, la famille de la fille, hein, et le prétendant. Et que tu vas donner ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le mahar, as-sadaq en arabe. En tout cas, le cheikh il mentionne le hadith « La yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankih aw yatruk » C'est-à-dire, le musulman, hein, l'homme ne doit pas demander une fille en mariage qui a déjà été demandée par son frère jusqu'à ce qu'il l'épouse ou qu'il la laisse. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Et l'imam muslim, il dit, il rapporte لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. C'était pas permis pour le croyant de demander une fille en mariage que son frère a déjà demandé en mariage, hein, jusqu'à ce qu'il laisse. C'est-à-dire s'il a été accepté et qu'ils se sont mis d'accord pour le mariage. Dans une autre narration rapportée selon Ibn Omar, il dit لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. C'est-à-dire qu'un musulman ne fasse pas une demande en mariage par-dessus la demande de son frère. Walil Bukhari, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati ar-rajul hatta yatruk al-khatib qablahu aw ya'zan lahu. C'est-à-dire que un homme ne fasse pas une demande de mariage par-dessus la demande d'un autre homme jusqu'à ce que le premier ait laissé, hein, ou bien qu'il ait donné la permission. Et il faut pas confondre ici. Ça veut pas dire qu'une femme musulman ne peut pas être demandé en mariage par plus qu'un prétendant en même temps. Plusieurs prétendants peuvent demander en mariage la même femme. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire que qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est que lorsqu'on a accepté la demande du prétendant, hein, et qu'on s'est mis d'accord sur le mariage, que toi tu viennes faire une autre demande après ça. C'est ça qui n'est pas permis. Mais que deux personnes demandent en mariage la même femme en même temps, ça c'est pas interdit. Hein? Et c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit il y a deux ou trois hommes qui m'ont demandé en mariage. Puis elle a mentionné Muawiya et elle a mentionné aussi un autre sahabi, j'ai oublié son nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier, lui, il laisse pas le bâton de ses femmes. Il lâche pas le bâton avec ses femmes. Il a pas dit. Il a dit, il lâche pas le bâton. Certains ont interprété différemment. Certains ont mentionné peut-être ça veut dire frapper. D'autres ont mentionné que ça voulait dire une autre chose. J'ai oublié là l'explication. Le voyage, oui, c'est ça. Qu'il frappe toujours avec le bâton avec ses, quand il part en voyage. Par rapport au voyage, il frappe le chameau avec ce bâton-là. Et l'autre, le deuxième, il a dit l'autre, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Alors, le prophète sallam lui a dit Ankihi Usama. Le prophète sallam lui a dit je te conseille plutôt d'épouser Usama. Donc, c'est la preuve que deux hommes avaient demandé en mariage la même personne en même temps. D'accord? Elle n'avait pas accepté un en particulier encore. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, وَلَا يَبِيعُ مُسْلِمٌ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. C'est-à-dire, un musulman n'a pas le droit d'acheter quelque chose que son frère a déjà acheté. Dans le sens que si tu vas aller au magasin, puis tu dis au commerçant, moi je veux t'acheter cet appareil-là. Et le marchand, il te dit, ok, combien tu me donnes? Tu dis, je te donne tant pour. Il dit, ok, j'accepte. Il s'en va pour aller chercher l'argent. Toi, tu arrives, puis tu dis, je veux te l'acheter. Il dit, non, je l'ai déjà vendu à un autre. Il dit, oui, mais ok, combien tu l'as vendu? Il dit, tant. Il dit, d'accord, moi je t'offre le double. Ça aussi, non, c'est pas une vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis. Mais ça, c'est pas ça. C'est que le contrat, la vente a déjà été, ils se sont mis d'accord déjà pour la vente. Et l'autre, il vient, il offre un plus gros prix. Même des fois, les deux, ils vont être en même temps, à la même place. Il dit, moi, je vais l'acheter. Il dit, combien tu donnes? Il dit, tant. Et l'autre, il dit, il a d'accord. Il est d'accord. Il dit, ok, je te le vends à tant. L'autre, il dit, si tu me le vends à moi, je vais te donner plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme si un pacte a déjà été fait, puis toi, tu viens, puis tu veux le briser. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, il sait qu'une fille est déjà promise à quelqu'un, puis qu'il a déjà demandé, puis que toi tu viens puis tu la demandes, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu penses qu'entre les deux personnes là, il y aura la fraternité, l'amour et les bonnes relations? Non, tu vas détester cette personne. Tu dis, mais comment tu peux savoir, comment tu peux, alors que tu sais que je suis allé demander cette fille en mariage et qu'on s'était mis d'accord, puis toi après tu viens malgré tout, tu la demandes en mariage, tu passes par-dessus moi. Ça va jamais faire, même après si la personne elle se marie avec, il va jamais lui pardonner ça. Exactement, ça va créer des conflits ça. Donc le cheikh il dit, fadallat hadhihi al hadith وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم فإن رد الخاطب الأول أو أذن للخاطب الثاني أو ترك تلك المرأة جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة لقوله لا حتى يأذن أو يترك وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعدي عليه وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت الإجابة فيعتدي على حق أخيه ويفسد ما تم من خطبته وهذا محرم شديد التحريم وحري بمن أقدم على خطبة امرأة أو مسبوق إليها مع إثمه الشديد أن لا يوفق وأن يعاقب فعلى المسلم أن يتجنب لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه وَلَا يُؤْذِيهِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَذَى. Donc c'est ça. Le cheikh il explique que ces hadiths-là prouvent dans leur signification. Et ce hadith-là et tous ceux qui sont dans le même sens indiquent qu'il est interdit pour le musulman de demander une fille en mariage sur la demande de son frère parce que ça va corrompre la demande du premier. Et ça va ramener de l'animosité entre les gens et de la transgression envers leurs droits. Et il dit, si le premier par contre refuse ou il donne la permission au deuxième, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. hein, ou s'il délaisse la femme, il dit non, j'ai décidé de ne plus la marier. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal pour le deuxième d'aller demander cette fille-là en mariage, parce que le prophète, c'est ça ce qu'il a mentionné dans le hadith. Mais il dit, il y a des gens, parfois, ça leur dérange pas. Hein? Ils vont demander par-dessus la demande de leur frère. Il sait que quelqu'un a déjà demandé et qu'il a été accepté. On lui a donné la réponse. Et lui, il vient malgré tout, il demande. Donc il transgresse le droit de son frère et il corrompt la demande de mariage de son frère. Et ça, c'est interdit. Et c'est très, très grave de faire ce genre de péché-là. Et si quelqu'un fait ce genre de choses-là, il mérite d'être puni. Hein? Et il dit donc, le musulman, il doit faire attention à ça et respecter le droit de ses frères musulmans, parce que le droit du musulman vis-à-vis de son frère, c'est un droit immense. Et il ne doit donc pas devancer son frère dans sa demande, ni devancer son frère dans la vente s'il a acheté quelque chose. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre par-dessus son frère lorsque son frère a fait une demande de mariage ou acheté quelque chose. Il ne doit pas faire du tort à son frère. De façon générale, le musulman ne doit pas faire du tort à son frère. Ensuite, on va parler maintenant d'un autre sujet dans le livre, c'est le contrat de mariage lui-même. C'est quoi les piliers du contrat de mariage et c'est quoi les conditions pour le contrat de mariage. Et le cheikh, il dit donc, « Babun fi aqdin nikahi » wa arkanihi wa shurutihi. Donc c'est à propos du contrat de mariage, de ses piliers et de ses conditions. Il dit يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الخمسة وحسنه الترمذي. Donc le cheikh dit, il est recommandé lorsque quelqu'un veut faire un contrat de mariage de faire précéder ce contrat par un discours auparavant, et c'est le discours qu'on appelle le discours de Ibn Mas'ud, on l'appelle aussi khutbatul haja, et la personne donc qui va faire le contrat, hein, ou d'autres parmi les gens qui sont présents vont donc réciter cette introduction ou bien ce discours-là, cette khutbah, et il mentionne le terme de cette khutbah. On dit dedans, en arabe, je l'ai mentionné, et en français, hein, c'est de dire que la louange, certes, appartient à Allah, nous le louons, nous cherchons son aide, et nous demandons son pardon, et nous nous repentons à lui, et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes, et des conséquences négatives de nos mauvaises actions. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, et celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, et Muslim, il l'a rapporté également, hein, selon Ibn Abbas également. Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Non. Oui, c'est ça. Et il dit, et après ça, il va réciter trois versets dans le Coran. Le premier, c'est Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est le verset 102 dans Sourate Al-Imran qui signifie « Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui et ne mourrez qu'en étant musulman. » Et le deuxième verset, c'est le verset 1 dans Sourate Al-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. En premier, je vais lire le verset. Attendez, juste un instant. وسي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ça c'est le verset 1 dans sourate An-Nisa qui signifie: ô vous les hommes, préservez-vous de votre Seigneur, ou protégez-vous de votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Donc protégez-vous d'Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et préservez-vous également, ou prenez garde à ne pas rompre les liens de sang, car certes Allah vous observe parfaitement. Donc ça c'est le deuxième verset. Puis le troisième verset dans sourate Al-Ahzab, verset 1, et dans sourate Al-Ahzab le troisième verset 70 et 71, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces deux versets là: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Donc ça c'est les trois versets. Le dernier verset, donc les deux derniers, c'est dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là: ô vous qui avez cru, protégez-vous d'Allah et dites une parole droite. Dites une parole droite. Il va vous réformer vos œuvres et vous pardonner vos péchés. Et quiconque obéit à Allah a certes réussi d'une réussite immense. Donc ça c'est dans l'introduction. Ça c'est pour établir le fait que c'est une sunna dans le mariage, dans le contrat de mariage, de réciter cette khutbah, cette introduction-là. Et non pas de réciter ce que des gens récitent lorsqu'ils font le mariage, des choses comme ça, ils l'appellent la Fatiha. Ça, c'est une innovation. Même certains, surtout au Maghreb, ils appellent même le mariage lui-même Fatiha. C'est devenu quelque chose qui est tellement répandu qu'ils appellent, ils disent: on va faire la Fatiha. Et ça c'est une innovation. La sunna, c'est pas de réciter la Fatiha, c'est de réciter khutbat al-hajj, cette khutbah. Et ensuite il dit que les piliers du contrat de mariage sont de trois. Il y a trois piliers pour que le mariage soit valable. Et ces trois piliers, c'est les suivants. الركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. Donc premièrement, le premier pilier pour que le mariage soit valable, c'est que les deux époux, il faut qu'il y ait la présence de deux époux qui sont exempts de tout empêchement qui pourrait empêcher la validité de ce mariage. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, la femme ne doit pas faire partie des femmes que cet homme-là n'a pas le droit de marier, soit à cause des liens de parenté, soit à cause de l'allaitement, parce que si c'est un frère de lait, ils ont allaité les deux, ils ont allaité de la même femme, ou bien à cause d'une idda, que la femme elle est dans la idda, toi t'as pas le droit de la marier, ou autre que cela. Et l'homme et par exemple pour l'homme qu'il ne fait pas partie, il n'est pas un kafir, il n'est pas kafir, juif ou chrétien ou mushrik, c'est-à-dire que si la femme elle est musulmane, elle n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, même si ce non-musulman est juif ou chrétien. Pardon? Non, c'est interdit pour une femme musulmane d'épouser un kafir, juif, chrétien, athée, bouddhiste, hindou, peu importe sa religion, c'est pas permis. Elle a, la femme musulmane, elle n'a pas le droit d'épouser autre chose qu'un musulman. Et si elle, elle fait un contrat de mariage avec un kafir, eh bien, son mariage est considéré nul et elle est considérée comme étant en train de commettre l'adultère. Elle est considérée comme étant en train de commettre l'adultère avec cet homme. Ce n'est pas son mari. Et les enfants qu'elle a avec cet homme-là, ils ne sont pas des enfants légitimes. Et là, non, si, tu veux dire, c'est pas ça la question, c'est pas si elle défend ou elle défend pas. La question, c'est que si elle le rend licite, si elle veut rendre ça licite, elle dit non, c'est pas interdit. Alors ça peut la faire quitter l'islam parce que ça rentre dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Et celui qui rend halal ce qui est haram, alors qu'il connaît les preuves du Coran à ce sujet, alors dans ce cas-là, c'est sûr que ça rentre dans le kufr, ça rentre dans la mécréance. Et on va parler de qu'est-ce qui est haram dans le mariage, les catégories qui sont interdites. Ça, on va en parler en détail, il y a un chapitre là-dessus, juste sur ça. Donc on va y revenir, si vous avez des questions. Non. Et ensuite, il dit, le cheikh, ou bien si par exemple, il y a d'autres empêchements, il dit, sanubayyinuha, inshallah. On va les expliquer plus tard, inshallah. Après, le deuxième pilier du contrat de mariage, il dit, husulul ijab, wa huwa lafzu sadiru min al-wali, ou man yakumu maqamahu, bi an yakula li zawj, زوجتك فلانة أو أنكحتها. Donc le deuxième pilier du contrat de mariage, c'est la question que le wali pose, ou celui qui est à la place du wali, le père, ou celui qui est représentant du père, ou bien celui qui est à la place du père, comme par exemple des fois si le père est pas présent, ça peut être le grand-père, ça peut être le frère de la fille, ça peut être aussi son oncle, hein, aussi paternel, hein, son frère paternel, ou bien de père et mère, ou bien paternel. Par contre le frère maternel, il peut pas être wali. L'oncle maternel non plus. Mais ça, on va l'expliquer lorsqu'on va arriver à la catégorie, aux conditions du wali. Et qu'est-ce que c'est les conditions? On va revenir à ça, on va expliquer en détail. D'accord? Il faut que le wali, il pose la question, ou pas la question, c'est pas vraiment la question, c'est plutôt, il donne la phrase suivante. Il va dire, Zawajtuka fulana. Donc si c'est sa fille, il va dire Zawajtuka binti, puis il va mentionner son nom. Ça veut dire je te donne ma fille en mariage, ou je te marie à ma fille. Il va dire ça comme ça. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ijab. Hein? Al-ijab, c'est la première partie. Puis ar-ruknu thalith, le troisième pilier, qui est le dernier pilier, c'est husulul qabul. Wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawj. أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. Donc ça veut dire qu'il dit, par exemple, le troisième pilier, c'est qu'il accepte le prétendant, il accepte la demande du wali. Donc le wali va dire, je te marie ma fille, et le prétendant, il répond, j'accepte de ce mariage, où j'accepte, hein, d'épouser tel ou tel. À partir de ce moment-là, le mariage, il est conclu. Hein? Il n'y a pas de fatiha. La fatiha, ça ne fait pas partie du mariage. Ça, c'est une bid'a. Je te dis, c'est une bid'a. Les gens, ils ont inventé. Je viens juste de vous expliquer les trois piliers, hein, du mariage. C'est ça, le mariage islamique. Hein? Il y a d'autres pays qui disent faites la fatha pour je sais pas qui. Oui, ça c'est une bid'a. à des bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça, ni les sahabes, ils n'ont jamais fait ça. Ça, c'est des gens qui ont inventé ça. En général, c'est les soufis qui font ça. Hein? Et ceux qui ont évolué dans cette culture-là, culture du soufis. Mais ça ne fait pas partie de l'islam de faire ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné de faire ça. D'accord? Donc, al-fatha, ou bien peu importe comment il l'appelle, ça, ça n'a pas rapport. Hein? Et donc, le père, supposons que quelqu'un ici, là, il veut se marier. Et que le père, hein, supposons que c'est moi. C'est pas vrai, là, je fais juste un exemple. OK? Parce que j'ai pas envie de marier ma fille aujourd'hui. Tout de suite. Mais je vous donne un exemple. Si je vois, par exemple, Yaakoub, hein, je dis, lui veut se marier. Et moi, je suis le wali. Je dis, Zawajtuka binti fulana. Et lui, il va répondre, Qabiltu hadha zawaj. Ça veut dire, il va être marié. C'est aussi simple que ça. Ça y est, le mariage, il est conclu, là. Bien entendu, il y a des conditions maintenant. On va les expliquer tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est les piliers. C'est le pilier du mariage. Le cheikh dit, وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَّ وَتِلْمِيذُهُ إِبْنُ الْقَيِّمْ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدْ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَصِرْ عَلَى لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ. Donc, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, ils disent que le contrat de mariage va être valable même si on n'utilise pas le terme nikah ou zawaj. Donc, même si tu utilises un autre terme mais qui a le même sens, ça va être correct aussi. Donc, s'il y a des divergences d'opinion entre les ulama sur ces questions-là, il dit وَجْهَةُ نَظَرْ مَنْ قَصَّرَهُ عَلَى لفظ الانكاح والتزويج انهما اللفظان اللذان ورد بهما القران كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها اي l'autre verset que le cheikh a cité ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين. Donc il dit, ceux qui disent qu'il faut se limiter au terme nikah ou zawaj, ils se basent sur le fait que ces deux termes-là ont été employés dans les versets de Coran. Donc ils disent donc qu'il faut se limiter à ces termes-là. Mais le cheikh dit en réalité, il n'y a rien qui explique ou qui mentionne que c'est limité à ces deux termes. L'important c'est qu'on comprenne que on veut se marier. Donc si par exemple quelqu'un il le dirait par exemple dans une autre langue, donc selon certains ulama, ça serait valable, tandis que selon d'autres ils disent non, il faut absolument que ce soit les mêmes termes qui sont utilisés dans le Coran. Donc ils veulent que on dise explicitement le terme inkah ou bien azawaj. Donc le mieux pour éviter la divergence, c'est de dire dans les deux, dire dans les deux langues, en arabe et en français, comme ça on sort du khilaf. Hein. Et il dit وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ مِنْ أَخْرَسٍ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ. Donc si quelqu'un il est muet, supposons que quelqu'un il est muet, comment il fait? Eh bien, soit il va l'écrire, hein, son acceptation, ou soit qu'il va faire une indication. Hein, comme le langage des signes, il va faire un signe qui indique ce qu'il veut. Hein, ouais, c'est ça. Comme quelque chose qui prouve qu'il est d'accord. Et il dit وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ إِنْ عَقَدَ النِّكَاحُ وَلَوْ كَانَ الْمُتَلَفِّذُ هَزِلًا لَمْ يَقْصُدْ مَعْنَاهُ حَقِيقَةً لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جَدْ وَجِدُّهُنَّ جَدْ الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي. Donc il dit que le mariage va être valable du moment qu'il y a eu la demande et la réponse, hein, l'offre et l'acceptation, le mariage sera conclu et le contrat sera valable même si la personne elle le disait pour plaisanter. Donc si tu parles avec un musulman comme ça, hein, et puis il te dit pour plaisanter, je te marie ma fille, tu dis j'accepte. Eh bien, ça compte. Ça compte. Oui, ça compte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a trois choses. Si tu plaisantes, c'est sérieux. Et si tu es sérieux, c'est sérieux. Et il a dit, c'est le divorce, le mariage et le fait de reprendre la femme une fois qu'on a prononcé le divorce. Donc ça a dit, si quelqu'un il veut plaisanter avec sa femme, il dit, ah, je te divorce. Ben, ça compte. Ça compte pour un divorce. Donc ça veut dire, il ne faut pas plaisanter avec ça. Et la même chose aussi pour le mariage, on ne plaisante pas avec ça. Hein? Ben c'est, ça compte, ça compte. Il faut pas qu'on joue avec ça. Il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est des choses sérieuses. Après le cheikh, il dit وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ. Donc il y a quatre conditions pour la validité du mariage. الشرط الأول تعيين كل من الزوجين فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبناء ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو صفة وصفه بما يتميز به. Donc il dit la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une désignation spécifique de chacun des deux époux. C'est-à-dire que si quelqu'un il a plusieurs filles, il ne peut pas dire « je te marie ma fille ». Il faut qu'il désigne ou qu'il spécifie laquelle de ses filles. Hein? Et la même chose, s'il dit je la marie à ton fils », s'il dit « je la marie à ton fils » et que la personne a plusieurs fils, ça ne compte pas, il faut qu'il spécifie quel fils. Hein? Donc il faut qu'il y ait une désignation spécifique de la personne, et il dit on indique la personne soit par un signe ou une indication, ou en nommant son nom, ou bien en le décrivant d'une manière qui le distingue. D'accord? Ça c'est la première condition. La deuxième condition, الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر فلا يصح إن أكره أحدهما عليه لحديث أبي هريرة لا تنكح الأيمة حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن متفق عليه إلا الصغير منها الذي لم يبلغ والمعتو فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. Donc le cheikh il explique que la deuxième condition c'est que chacun des deux époux doit être satisfait de l'autre. Donc, il n'est pas valable le mariage si un des deux a été contraint à accepter le mariage. Hey, pas seulement en Afrique, mon frère. Dans plein d'autres pays aussi, ça peut arriver. Donc, si c'est un mariage qui a été conclu sous la contrainte d'un des deux époux, ça ne sera pas un mariage valable. Quoi? Non, mais la personne, elle va, si elle n'est pas, comment je pourrais t'expliquer? Si la personne, elle n'est pas d'accord ou satisfaite de la personne, elle doit faire savoir qu'elle n'est pas satisfaite du mariage avant que le mariage soit consommé. Hein? Elle va pas dire non, elle va pas dire ça après, elle doit le dire avant. D'accord? Non, ben c'est sûr que des fois il y a pression familiale, puis aussi il y a des familles qui pratiquent pas ou qui connaissent pas la religion ou qui pratiquent pas la religion comme il faut, qui forcent leur fille à marier quelqu'un qu'elle veut pas épouser. Surtout quand c'est quelqu'un qui est pas religieux ou qui pratique pas la religion ou des choses comme ça, ou qui a pas un bon comportement ou des choses comme ça. Puis toi tu comme si dans cette famille-là, lui le père il veut forcer sa fille à le marier parce qu'il a beaucoup d'argent, ou bien parce que il a fait un deal avec lui. La fille elle veut pas se marier avec cette personne, donc elle doit le faire savoir. Et islamiquement, le mariage il sera pas valable si elle est forcée. Hein? Et le garçon aussi, des fois, les pères, ils peuvent forcer son fils à marier quelqu'un que lui, il ne veut pas marier. Donc, il n'a pas le droit de le faire. Parce que ça risque, en général, ce genre de mariage-là, ça risque, en général, de finir par des divorces. Souvent, c'est comme ça. Hein? Il dit, le cheikh, que la personne qui est la femme qui a été déjà mariée, par exemple, elle va être, on va lui demander si elle accepte, et la même chose aussi pour la fille qui est vierge, hein, on lui demande sa permission. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Excepté la fille qui n'a pas atteint la puberté, hein, on peut la marier sans sa permission. Son père peut la marier sans sa permission si elle n'est pas encore pubère. Hein. Il peut la marier, c'est-à-dire il va contracter il va faire le contrat de mariage entre elle et son prétendant. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté, alors à ce moment-là, elle va aller avec son mari. Mais c'est ça. Donc les détails par rapport à ça, je me souviens que j'avais entendu qu'au moment de la puberté, si par exemple elle dit non, finalement je veux pas, hein, ce mariage-là, si je me souviens bien, Yanni, elle avait le droit de dire qu'elle n'accepte pas à ce moment-là, mais sur cette information-là, je dois vérifier pour confirmer parce que j'ai un doute. Mais sinon, en ce qui concerne la fille qui n'est pas pubère, si son père la donne en mariage, elle n'a pas besoin de son approbation. Et al-ma'tou, je dois vérifier, je ne me rappelle plus exactement la signification du terme. Je crois que c'est la personne qui peut-être a un retard un peu, un retard intellectuel. Que dans ce cas-là, il va être marié même sans son accord. Mais je dois juste vérifier ça aussi. La troisième condition, un yaqid ala al-mar'a waliyuha, hein, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi wali. Rawahu al-khamsa illa an-nasa'i. Falaw zawwajat al-mar'a nafsaha bidun waliyha, fa nikahuha batil, li'anna dhalika dhari'atun ila az-zina. ولأن المرأة قاصرة النظر في اختيار الأصلح لها والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وقال تعالى فلا تعدلوهن وغير ذلك من الآيات. OK. Donc le cheikh dit la troisième condition c'est que ce soit le wali qui donne sa fille en mariage. C'est pas la fille qui se marie elle-même. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de mariage sans le wali. Et ça, c'est rapporté par les cinq qu'on a mentionnés, hein, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, et excepté An-Nasa'i qui ne l'a pas rapporté. Pardon. Et aussi, il dit le cheikh que si une femme, elle se mariait elle-même sans son wali, son mariage ne serait pas valide. Son mariage serait pas valide. D'accord ? Parce que ça, c'est une porte ouverte vers le zina. C'est une porte ouverte l'adultère. Et aussi, la femme, il dit le cheikh que la femme, elle manque parfois de jugement par rapport à son choix du mari. Peut-être qu'elle va prendre quelqu'un qui n'est pas le meilleur prétendant pour elle. Elle va choisir quelqu'un par rapport à ses sentiments sans tenir compte de toutes les choses. Puis, il y a des hommes aussi, c'est des professionnels dans la façon de tromper les femmes ou de séduire les femmes. Et ils vont savoir comment les approcher, puis leur faire croire qu'ils sont les meilleurs du monde pour les attirer. Puis elle, la femme, elle est amoureuse, donc elle accepte. Elle réalise pas que l'homme est en train de se jouer d'elle. Et tandis que les pères ou les hommes de la famille, eux, ils vont regarder les choses avec plus de recul et puis ils vont analyser la situation, ils vont voir la personne réellement, ils vont faire des recherches sur lui pour savoir qui il est, est-ce que c'est quelqu'un de correct réellement, et puis par la suite, la fille va être plus protégée. Parce que c'est ça le rôle du wali, c'est de protéger sa fille. Et protéger celle qui est sous sa tutelle. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mariage et de marier la femme dans le Coran, il s'adresse toujours au tuteur. Il ne s'adresse pas à la femme directement. Comme dans le verset 32 dans Surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum, ou dans le verset 232, فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ. Allah il dit au tuteur, ne les empêchez pas de se marier. Ça veut dire que le wali, il a l'autorité, il a le pouvoir de les empêcher de se marier. Et il y a d'autres versets également qui indiquent ça. Et en ce qui concerne le wali, voici la description. Il dit وَوَلِيُّ الْمَرْأَ هُوَ أَبُوهَا ثُمَّ وَصِيهِ وَصِيهِ فِيهَا. Donc, premièrement, le wali, ça va être le père. Si le père, il est là, et qu'il est musulman, c'est lui qui va être le wali. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. À moins que le père lui-même ait donné la responsabilité ou bien il a délégué quelqu'un pour marier sa fille à sa place. Et ça, en général, c'est pas comme certaines personnes, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mon père, il a désigné telle personne. Non, il faut que, en général, dans des pays musulmans, ça se fait à la cour. Le juge va te donner un papier officiel, signé avec étampe, qui prouve que toi, t'es le délégué officiel de cette personne. C'est pas juste comme ça, je te dis, ok, ben vas-y, tu veux marier ma fille? Ok, ben lui va être mon représentant, vas-y, toi, marie-la pour moi. Ça ne doit pas être juste comme ça, parce que ça ouvre la porte ouverte à plein de conflits et de problèmes. Et aussi, il faut savoir qu'à notre époque, malheureusement, il y a beaucoup de pères qui ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à leurs filles. Peut-être qu'ils ont eu une fille avec une femme et qu'ils l'ont divorcée ou qu'ils ont eu des problèmes avec la mère et que par la suite, ils ont abandonné cette fille-là. Toute sa vie, ils ont négligé leurs responsabilités vis-à-vis de la fille. Puis là, maintenant, la fille arrive à l'âge où elle veut se marier, elle cherche son père, elle l'appelle pour lui dire « Papa, je veux me marier, c'est toi mon wali. » Et lui, il me dit « Écoute, fais ce que tu veux, moi, c'est pas mes problèmes. Occupe-toi de tes affaires, moi, je veux rien savoir. » Yani, a'ouzou billah. Naam. Non, dans le cas où la fille a son père, il n'est pas musulman, son père qui n'est pas musulman ne peut pas être un wali pour elle. Son wali, comme les ulama ils l'expliquent, dans ce cas-là, ce sera soit le juge, si elle est dans un pays musulman, ça va être le juge dans un tribunal qui va prendre la place du wali, ou bien dans le cas où il n'y a pas de pays musulman, il n'y a pas de tribunal, dans ce cas-là, ça va être l'imam d'une mosquée qui va être son wali, qui va jouer le rôle de son tuteur. Parce qu'un kafir ne peut pas être un wali pour une femme musulmane. Et aussi la question, si la fille que l'homme veut marier est une chrétienne, elle n'est pas musulmane, dans ce cas-là, c'est son père qui va être son wali. Ça ne va pas être quelqu'un d'autre que son père. Parce que des fois, il y a des musulmans, ils disent « moi j'épouse une chrétienne », puis après ça, ils disent « ouais, mais étant donné que son père est chrétien, est-ce que je peux demander à l'imam de la marier ?» Dans le cas où la fille elle-même, elle n'est pas musulmane, dans ce cas-là, son wali, ça va être son père chrétien. Parce qu'elle-même, elle n'est pas musulmane. Donc, il n'y a rien qui empêche à ce que son père soit son wali dans ce cas-là. Et si son père est mort, alors ça va être son grand-père ou son frère ou son oncle, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Il est son wali, même s'il ne s'est pas occupé d'elle. Écoute, les détails là de tous les cas d'exception, moi je ne connais pas les exemples. Mais moi, qu'est-ce que je te dis de façon générale, c'est que si un homme il a eu un enfant, que c'est lui le père, et que la fille arrive à l'âge où elle veut se marier, islamiquement, le père c'est lui le wali. Et c'est lui qui doit s'occuper de sa fille et essayer de trouver pour elle le meilleur mari possible. Donc il ne peut pas rejeter cette responsabilité-là puis dire « Non, je m'en fous, je ne veux rien savoir. » Non, ça c'est pas correct. Donc le père qui agit de cette manière-là, il agit comme un traître envers sa fille. Il est irresponsable. Même si sa femme l'avait divorcé, puis qu'il n'a pas, il a négligé sa responsabilité pendant toute sa vie, si elle vient vers lui au moment pour demander pour qu'il la marie, eh bien, il ne doit pas refuser ça. Et après le père, c'est qui? ثُمَّ جَدُّهَا لِأَبْ وَإِنْ عَلَى. Donc ensuite, après le père, c'est qui? C'est le grand-père, du côté paternel. Donc le grand-père de la fille, du côté paternel, même si, hein, même si ça monte, en voulant dire soit son grand-père, ou son arrière-grand-père, ou son arrière-arrière-grand-père s'il est vivant. C'est lui qui va être, qui vient tout de suite après le père. Hein, le grand-père du côté paternel. Et il dit, ensuite, après le père, c'est qui? Ibnuha. Hein? Ensuite, après le père, c'est qui? C'est son fils. Si elle avait déjà été mariée, la femme, puis qu'elle a été divorcée, ou que son mari est décédé, puis qu'elle a un fils, après le père, c'est... Après le père, c'est le grand-père. Après le grand-père, c'est son fils. Hein? Il va marier sa mère. ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا. Puis, ses enfants, même si ça descend. Donc, son fils ou ses enfants, même si ça descend. C'est-à-dire, le fils de son fils ou le fils de du fils de son fils. ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْنِ. Ensuite, c'est son frère des deux parents, de même père et de même mère. ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبْ. Puis ensuite, son frère paternel. ثُمَّ أَبُوهُمَا. ثُمَّ بَنُوهُمَا. Ensuite, donc son frère. Puis ensuite, si par exemple, il n'y a pas le frère, alors ça va être le fils du frère. Les fils du frère. Puis ensuite, son oncle, de même père et de même mère. C'est-à-dire le frère de son père, de même père et de même mère. Puis ensuite, l'oncle paternel. C'est-à-dire celui qui est seulement, son oncle du côté de son père seulement. Thumma, c'est-à-dire que c'est son demi-frère. Le demi-frère de son père, mais sauf du côté paternel seulement. ثم بنوهما, ou bien يعني les enfants de son les fils de son oncle paternel, ou bien de son oncle des deux parents. ثم اقرب عصبتها او عصبتها اقرب عصبتها نسبا. Puis ceux qui sont ses plus proches parents du côté paternel dans les liens de parenté, selon la proximité des liens de parenté par rapport à l'héritage. Donc tu te réfères aux héritiers, hein, ceux qui sont ses héritiers et qui sont les plus proches parents. Donc si tous les autres ils sont pas disponibles, donc tu vas prendre le plus proche parent selon les règles de l'héritage et année par la suite. Puis ensuite, al-mu'taq, celui qui a été libéré parmi les esclaves que tu possédais, ou bien le dirigeant, c'est-à-dire le juge ou le responsable, celui qui représente le dirigeant ou celui qui le représente. Puis comme on a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de dirigeant ou de juge ou de tribunal musulman dans l'endroit où tu vis, alors dans ce cas-là, ça va être l'imam qui va prendre la responsabilité de marier cette fille-là, dans le cas où la fille est convertie à l'islam, par exemple. Et الشرط الرابع, la quatrième condition, qui est la dernière, c'est الشهادة على النكاح لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. Il dit que la quatrième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins de ce contrat de mariage, et que ça c'est rapporté par selon Jabir, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mariage sans le wali et deux témoins qui sont honnêtes et justes. Donc le mariage, une des conditions, c'est que ce soit avec deux témoins. Et c'est pas deux témoins de chacun du côté de chacun des époux. Non, deux témoins en tout. C'est pas deux témoins pour la fille, deux témoins pour le mari, deux témoins pour l'épouse, non. Deux témoins. De façon générale, c'est pas important les témoins, est-ce qu'ils sont pour du côté de l'homme ou de la femme, non. L'important c'est qu'il y ait deux témoins qui soient musulmans et qui soient présents pour être témoins du mariage à ce moment-là. Oui. Khutbatul Hajjah, ça peut être une des personnes qui est présente, ça peut être celui qui est le wali, qui fait le aqd, ça peut être l'imam, s'il y a un imam qui est présent. En passant, c'est pas une condition que l'imam soit présent, hein, pour faire un mariage. Du moment que le wali il est là, puis que le prétendant il est là, on peut faire le mariage. Non. C'est pas comme dans le christianisme, que le prêtre il est là, il célèbre l'union, puis qu'ils font ça à l'église. J'ai vu ça dernièrement dans une vidéo, un frère m'a envoyé. Ils sont dans la mosquée, puis leur imam, qui est un égaré, qui récite Khutbat al-Hajjah en chantant, et puis la femme qui est avec sa robe de mariage, avec son prétendant qui est assis, les deux sont assis un à côté de l'autre devant l'imam, et puis ils célèbrent le contrat de mariage de cette façon. Dans le contrat de mariage islamique, la prétendante ou la femme n'a même pas à être présente. C'est son wali qui la marie, c'est pas elle qui se marie avec le prétendant. Donc, elle peut être chez elle avec sa famille, et son père il vient avec le prétendant, et puis ils font le contrat de mariage en présence des témoins, et ça suffit. C'est pas nécessaire qu'il y ait la prétendante sur place, surtout avec sa robe de mariage. Et on sait que la robe de mariage c'est une parure. Donc de se montrer devant des hommes étrangers avec ce genre de robe, c'est haram. Surtout devant l'imam. Hein? Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains, hein, qui agissent de cette façon. Et il y en a même qui font des hijabs de mariage. Maintenant, ils vendent ça sur les sites internet soi-disant islamiques, des djilbabs de mariage. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend là qui sont inventées par les gens. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent. Oh, et non, ça c'est un autre sujet. Oui. Écoute, c'est soit que le wali il est là où son représentant officiel, ou bien si le prétendant lui-même il peut pas être là à cause d'un empêchement quelconque, quelqu'un peut être son wakil, hein? C'est-à-dire que le mari il peut envoyer quelqu'un qui va faire son, il va être son proxy, comment on dit, ouais, c'est comme s'il va venir se marier avec la fille en son nom. Donc il va dire au wali, hein, j'accepte d'épouser ta fille pour telle personne, hein, parce que ça peut arriver des choses comme ça. Le prétendant il va déléguer quelqu'un qui va faire le mariage à sa place. Ouais. Non, il faut qu'il y ait al-ijab ou al-qaboul, tu vois. Il faut qu'il y ait la demande et la réponse. Et il faut que les époux soient d'accord. Donc, si le wali, il est là, puis le prétendant, il n'est pas là, comment ils font pour faire le mariage? C'est qui répond à la demande du wali dans ce cas-là? Non, mais en tout cas, je ne sais pas. Et un tuteur pour l'homme aussi. Ok, bon, si le mari, ok, il désigne son père pour aller le représenter, hein, ça dans ce cas-là c'est correct. Ben c'est-à-dire ça dépend pour quelle raison il se présente pas. Parce que des fois quand tu veux aller, par exemple, demander la main d'une fille, c'est toujours mieux d'y aller, de pas y aller tout seul. c'est toujours mieux d'y aller avec ton père ou quelqu'un qui a non pas pour dire non faut d'aller avec quelqu'un qui a un certain âge qui va une certaine notoriété qui va montrer un certain respect puis en même temps qui va être garant pour la personne qui va dire cette personne je suis garant de son comportement et de son caractère et que c'est une personne respectable et que inshallah il va honorer votre fille et ainsi de suite, c'est toujours mieux. Tandis que si tu t'en vas tout seul, un teenager, hein, comme on dit, un jeune, hein, adolescent, tu frappes à la porte, bonjour, je veux épouser votre fille, t'es qui, hein, qui es-tu, pourquoi tu viens frapper chez nous, hein, pourquoi tu parles de notre fille, qui, tu vois, comme, hein, on va te demander de t'en aller parce que on sait pas qu'est-ce que tu viens faire là. Mais si tu viens avec ton père ou avec quelqu'un de la famille, déjà ça donne une meilleure image. Les personnes qui vont t'accueillir, ils vont voir ton parent ou quelqu'un, ton proche ou ton grand-père ou quelqu'un. Déjà ça montre que c'est plus sérieux. Hein? Et si t'as pas de parent musulman parce que t'es converti, ben tu demandes à quelqu'un, un imam ou un homme respecté dans la communauté, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui est âgé, hein, qui te connaît bien. Et tu dis, bon, est-ce que tu veux m'accompagner pour la demande? Une fois, il y a un frère que je connais du Philippines. Et les frères du Philippines, là, ils sont comme des... On dirait des fois, c'est comme des tribus, ces frères-là. Ils sont tous sont toujours ensemble, les Philippinos. Yani, subhanallah, ils sont partis tout un groupe, hein, pour aller frapper à la porte du père de la fille que le frère voulait épouser. Puis, ils sont tous venus ensemble pour l'accompagner, pour aller frapper à la porte du père. Donc, c'est pour dire, yani, subhanallah. L'important, c'est que ce soit des bons musulmans. Quand c'est des musulmans qui sont corrects, des gens de bien. C'est pas nécessaire qu'ils connaissent les époux ou les personnes. Non, c'est pas nécessaire. C'est pour qu'eux, leur témoignage, c'est pour témoigner du contrat de mariage, que le contrat de mariage a eu lieu. Et aussi, une chose que je voudrais signaler ou mentionner en passant, c'est que dans les pays musulmans, les familles vont faire le mariage à la maison, ils vont ramener un ma'zoun ou bien un adil ou quelqu'un qui travaille au gouvernement. Lui, il enregistre le contrat de mariage à l'État. Ça veut dire que ton mariage, il va en même temps être religieux, puis en même temps, il va être civil en même temps. D'accord? Donc, ça, c'est ça le. C'est ça qui est bien. Hein? Ici, dans les mosquées, ils font les contrats de mariage. C'est les contrats de mariage de l'État. L'imam, il te fait remplir le formulaire. Hein, puis ça prend, je pense, 2 mois. Il faut que tu attendes 2 mois avant que ce soit enregistré à l'État. Puis tout ça, en tout cas, tous les détails, ça c'est pas le moment de rentrer dans ces détails-là. Chaque pays, c'est différent. Oui. Oui, ici, c'est comme je te dis, c'est pertinent, comme tu dis, tu vas à la mosquée. Dans la plupart des mosquées où il y a des mariages, ils font le contrat civil. En même temps, il faut payer un certain montant d'argent pour le faire enregistrer parce que l'État ici ils prennent de l'argent pour ça. Puis il y a des mosquées même ils prennent une partie aussi pour eux, comme ils demandent un surplus encore pour la mosquée. Je sais pas combien, je me rappelle plus. En tout cas, et puis aussi ça prend 2 mois, je pense, pour qu'ils mettent, ils affichent ça sur un babillard ou quelque part pour que les gens soient informé. Je pense que la raison de l'affichage, c'est pour que les gens sachent qu'il y a 2 personnes qui vont se marier, pour savoir peut-être si, parce qu'ici, ils n'acceptent pas la polygamie, donc ça veut dire si quelqu'un sait qu'un des deux est déjà marié, ils vont peut-être contester ça ou je ne sais pas quoi. Oui. Oui. Ben, écoute, dans les questions du mariage, comme je t'ai dit, on a mentionné les conditions. Mais il y a aussi des choses qui parfois peuvent rentrer en ligne de compte par rapport au mariage, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'urf. Al-urf, c'est les coutumes. Et du moment que les coutumes ne sont pas en contradiction avec l'islam, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de les respecter. Donc, par exemple, dans certains pays, ils vont faire, par exemple, avant que le mari et la femme vont habiter ensemble ou être ensemble, parce que ça, c'est un point important à mentionner, c'est que à partir du moment que tu as demandé la main de la fille, que tu es allé faire la khitba, eh bien, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'être seul avec la fille. C'est ta prétendante, et lui, c'est le prétendant. Mais ils sont toujours encore des étrangers l'un pour l'autre. Ils ne sont pas mariés encore. Donc, le gars, il n'a pas le droit d'être tout seul avec la fille, et la fille n'a pas le droit d'être seule avec le garçon. Et ils n'ont pas le droit non plus de se parler ou de se communiquer seul, et de discuter entre eux comme s'ils étaient mariés. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme ça. Ils se permettent de discuter, puis de parler, puis de... Hein? Et ça ramène de la fitna. Parce que par la suite, tu ne sais pas si le mariage va avoir lieu ou non. Parce que si jamais il y a quelque chose qui arrive et que finalement le mariage ne se passe pas, hein, mais ça a créé, disons, des émotions, des sentiments, puis que peut-être par la suite, ça va amener à tomber dans le péché. Donc il n'y a pas ça. Pardon ? La fiançaille, c'est lorsque l'homme il a demandé la fille en mariage et la famille a accepté. Là, après, il y a une période, ils vont décider la date du mariage. Pendant cette période-là, ils sont des prétendants encore. Ils n'ont pas le droit de se fréquenter. Ils n'ont pas le droit de se voir. Même de se parler. À moins que s'ils se parlent, c'est pour discuter, pour se mettre d'accord sur des questions qui ont rapport avec le mariage. Mais en même temps, ils doivent essayer d'éviter de se parler sans qu'il y ait une supervision de la part du wali, par exemple. D'accord ? Et aussi, donc, par rapport à ça, ça c'est important. Puis aussi, donc, si par exemple, par la suite, par rapport à la fête du mariage, par rapport à l'habitation de après le mariage, une fois qu'ils ont fait le contrat de mariage, quand est-ce que le garçon et la fille vont habiter ensemble ? Maintenant qu'ils sont mariés, ça, c'est connu dans les pays musulmans que le garçon, il ne va pas habiter avec sa femme tout de suite tant qu'ils n'ont pas fait la fête de mariage. Et une fois que la fête de mariage a été faite et que tout le monde a su que le mariage a eu lieu, là, après, ils vont aller habiter ensemble dans leur maison. Et comme ça, ça évite les doutes hein, et les choubouhat que si la fille, par exemple, elle n'était pas encore rentrée habiter chez son mari, puis qu'ils n'avaient pas encore fait la fête, que la fille, par exemple, elle était isolée avec son mari quelque part avant la fête, puis qu'elle est tombée enceinte, hein, puis que par la suite, il arrive quelque chose, puis qu'il la divorce, avant qu'il y ait la fête de mariage, avant qu'il aille habiter avec elle, les gens vont dire, comment ça, elle n'était pas mariée, puis elle est tombée enceinte. Parce que les gens, ils ne savaient pas qu'il y avait eu un mariage. Donc, ça amène toutes sortes de choubouhat, et des doutes sur la fille. Donc c'est mieux dans ce cas-là, pour éviter ce genre de choses-là, de respecter hein, les règles et d'attendre à ce que il y a eu la fête et qu'on ait annoncé. De toute façon, on va parler de ça aussi dans les points qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود ولا يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. Donc il dit c'est ça l'affaire qu'on doit faire chez les hommes de science, qu'il doit y avoir deux témoins et il n'y a pas de divergence entre les anciens parmi les ulama à ce sujet-là, sauf certains qui sont venus après. Mais la position correcte par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait l'accord et la présence des deux témoins. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.